avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Les informations sur Cristal, Stéphane Nicolas, bonjour à tous. 9 professionnels de santé reçoivent désormais les patients dans la nouvelle maison médicale à Louviers. 19 000 habitants, environ 500 personnes qui cherchaient un médecin traitant. Médecin généraliste, infirmière, orthophoniste, sage-femme, diététicienne sont les bienvenus à Louviers. Et ils vont pouvoir travailler en équipe dans un lieu sûr, accessible aux personnes handicapées. La maison médicale porte le nom de Simone Veil. Elle accueille les patients depuis début octobre. Un investissement d'1,5 million d'euros financé pour moitié par des fonds européens. La réserve ornithologique de la Grande Noé à Val-de-Reuil est une escale des oiseaux migrateurs. Bernache, héron, fauvette à tête noire ou encore pouillot véloce. Le grand froid n'a pas encore donné le signal de départ vers l'Afrique. Beaucoup de migrateurs restent en Normandie. Le groupe ornithologique normand les observe et le réchauffement climatique désoriente les oiseaux et peut les mettre en danger quand le froid les saisit brusquement. Dans l'heure, 3 personnes ont perdu la vie sur la route en juillet, août et septembre dernier. C'est 10 de moins que l'été 2017. En Seine-Maritime, on dénombre 12 tués en juillet, août et septembre. C'est 7 de moins qu'à l'été 2017. La limitation à 80 km/h est appliquée sur les routes à double sens sans séparation depuis le 1er juillet. Ces chiffres englobent les victimes sur tous les types de routes, départementales, voies urbaines ou encore autoroutes. Il faudra attendre début 2019 pour savoir s'il y a eu moins de morts et d'accidents sur les routes limitées à 80 km/h. Le chômage poursuit sa baisse en Normandie. Au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de chercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit en moyenne à 166 940. Ce nombre diminue de 0,3% par rapport au deuxième trimestre 2018. Il baisse de 2,9% en un an. Par ailleurs, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois, s'établit en moyenne à 288 200 au troisième trimestre 2018. C'est l'équivalent quasiment de la population de l'aire urbaine. Ce nombre de demandeurs d'emploi diminue de 0,4% en un trimestre. Il baisse d'1,2% sur un an. En moyenne, au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue dans les deux départements normands sur 5 en 3 mois. Moins 1,3% dans l'Eure, moins 0,7% dans le Calvados. À l'inverse, il augmente dans la Manche et dans l'Orne, plus 0,6% et plus 0,4%. Il est stable en Seine-Maritime. Le gouvernement cherche à réduire les embouteillages au péage sur les autoroutes et limiter la pollution. Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, les barrières des péages pourraient donc disparaître d'ici 2021 sur le réseau autoroutier français. Cette réforme devrait s'appliquer sur les autoroutes gérées par l'État et par des sociétés privées. Tous les véhicules, voitures, motos, utilitaires ou camions sont concernés par cette mesure. Emprunter l'autoroute restera bien sûr payant malgré la suppression des barrières de péage. Ainsi, les automobilistes paieront avec des capteurs qui seront détectés par le péage. Leur plaque d'immatriculation pourra aussi être reconnue par des caméras. Le capteur lu par le péage prendra la forme d'une vignette à apposer sur le pare-brise, type étiquette à puce RFID, ou un badge à présenter quand on passe le péage. Les automobilistes qui utilisent le système de télépéage connaissent déjà ce fonctionnement. Le système serait ici généralisé à l'ensemble des automobilistes et ne devrait pas nécessiter d'abonnement. Les automobilistes recevront la facture à leur domicile et devront s'acquitter du montant du péage par la suite, sans doute via un système de paiement en ligne, mais certaines sociétés d'autoroutes n'ont pas attendu la loi d'orientation des mobilités. Le groupe Sanef prévoit de supprimer toutes les barrières de péage sur la 14 et la 13 en Normandie. Les barrières de péage disparues seront remplacées par des portiques et le système calculera instantanément le montant de péage dû en fonction de la classe des véhicules. C'est ce qu'annonce notamment le journal Paris-Normandie. Les usagers recevront ensuite la facture chez eux. D'après le groupe Sanef, un tel système permettrait aussi de réaliser d'importantes économies de carburant, de l'ordre de 10 000 mètres cubes de carburant économisés, soit la consommation annuelle de 11 000 voitures et 30 000 tonnes de CO2. La mise en service du système est prévue donc pour 2021. À Bernay, début octobre 2018, 5 associations et collectifs des usagers des trains de Normandie se sont réunis. Ils ont décidé de s'unir via le collectif pour la défense des transports publics normands. L'analyse de la situation du transport ferroviaire en Normandie conduit au constat d'une situation intolérable au regard des fermetures progressives des guichets, des gares et à terme des lignes. C'est ce qu'écrit le CDTPN dans un communiqué de presse composé de l'Union des usagers du Paris-Cherbourg, l'Association de défense des usagers du rail normand, l'Association des riverains et des voyageurs du chemin de fer Deauville-Cabourg, l'Association des usagers de la gare SNCF de Bernay, du collectif de défense Axe Sud Normandie. Ce nouveau collectif veut intervenir auprès des élus locaux de la région et de la SNCF pour que cesse la déliquescence programmée du système ferroviaire actuel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de nuit. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I

Counting dollars

pillows, we're on a dendo, it don't matter, we can play. Sing da-na-na-na, it's a summer, God's out here, catch the rays. Hey, the sun is never going down, oh, we have all day. Wait! Baby, you're tech completely, really, I don't mean to sound cheesy, it's way too easy. You can wear a dub but a beanie, and somehow that looks lazy, it's weird. And this day's amazing, how good we can make it. Your mom left the beamer out. Vous êtes sur Cristal, c'est lundi les amis, la reprise, ça passe vite les week-ends, je sais. Bon courage pour cette journée, nous on est là sur Cristal, que vous soyez en ce moment sur les routes, sous la couette ou encore en train de bosser. On va faire en sorte que votre journée démarre bien. Il fait déjà froid hein, ce matin, 2 degrés sur Rouen, 2 aussi à Évreux et sur l'ensemble de l'Eure, un tout petit degré à Vernon et à Caen et en bord de mer, c'est pas mieux. Hein. Voilà, 2 degrés en ce moment à Luc-sur-Mer par exemple, avec un petit vent frais. Ça pique, mais ça réveille. Faites attention aussi hein, sur les routes, il y a des risques de verglas, alors roulez vraiment tranquille hein, ce matin. La météo, justement, on y revient après 6h sur Cristal. Pour le moment, on retrouve l'horoscope présenté par Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous. Bon début de semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi, le 29 octobre. Votre horoscope. Les béliers, vous ne direz plus rien. Vous ne ferez aucun reproche. Vous tenterez d'être exemplaire. Taureau, vous en rencontrerez du monde. Vous causerez beaucoup. Vous risquez de faire des étincelles. Gémeaux, il vaudra mieux éviter de prendre des risques, car vous pourriez y laisser des plumes. Cancer, vous pourrez bien rester les bras croisés si vous rêviez d'une accalmie, d'un peu de repos, c'est le moment. Lion, votre engagement sentimental ne sera pas suffisant et cela pourra vous causer quelques déboires. Vierge, ne vous laissez surtout pas avoir par un banal charlatan. Gardez la tête sur les épaules, balance. Ce n'est pas le moment de tourner en rond. Dans votre routine, les astres vous rendent plus attirant que jamais. Vous en ferez trop, les scorpions, cela pourrait vous fatiguer avant la fin de la journée. Gardez de l'énergie pour vous, Sagittaire, votre bonne humeur et vos bons sentiments du jour déteignent sur votre famille. Capricorne, des perturbations seront à craindre. Pour l'avenir de votre couple, il serait temps de se poser les bonnes questions. Verseau, vous pourriez être spontané aujourd'hui. Cela est dû à votre bonne humeur. Poisson, même si vous avez un fort pouvoir d'attraction, votre désir de romantisme à tout prix peut avoir tendance à ennuyer vos proches. Excellente journée à tous. Bientôt 6h, dans un instant, votre actu en Normandie. Mais d'abord, on s'écoute le duo Beyoncé, Lady Gaga pour téléphone sur Cristal. Très bon réveil. Hello, hello, baby. Cold, I can't hear a thing. I have got no service in the club. You say, say, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. I'm not taking no calls, cause I'll be